Chapitre 4. L'attitude de Maxime et Françoise du ciel a beau être atypique, je ne crois pas qu'ils aient quelque chose à voir dans la disparition de la jeune Camille. Il est évident qu'ils ne l'aiment pas et que son enlèvement les laisse indifférents. Pour autant, cela ne suffit pas à faire d'eux des criminels, du moins devant la loi. Inspecteur Franchina, compte rendu au juge d'instruction chargé de l'enquête sur la disparition de Camille Duciel et Salim Kondo. Récapitulons, vous affirmez vous appeler Bjørn Will Wayard, drôle de nom entre parenthèses, et vous n'avez aucun moyen de prouver votre identité. Vous ne pouvez donner aucune adresse, ni nous indiquer un lieu de travail. Personne à vous entendre ne vous connaît, et c'est un hasard si on vous a trouvé en compagnie du jeune Salim Kondo, recherché depuis des semaines par toutes les polices de France. Je ne me trompe pas ? Bjørn haussa ses larges épaules. Non. L'inspecteur Franchina, assis derrière son bureau, passa les mains dans ses cheveux en secouant la tête. « C'est dingue », finit-il par dire. « Complètement dingue. Et vous prétendez ne rien savoir de la petite du ciel ?»« Jamais entendu parler d'elle », répondit Bjørn. « Je vous l'ai répété 100 fois. » Cela faisait maintenant plus de 2 heures que l'inspecteur de police l'interrogeait, et il n'arrivait pas à imaginer le moindre début de stratagème pour se sortir de ce guépier. Il s'en était pourtant fallu de peu que rien ne se passe. Ils avaient été conduits au poste, où l'on avait relevé leur nom sans leur poser de questions. Salim et les deux jeunes étant mineurs, un policier avait maugré à l'idée de devoir les raccompagner chez eux. Le cas de Bjørn était un peu plus compliqué, mais malgré son incapacité à présenter une pièce d'identité, il était clair qu'il serait rapidement relâché. La bagarre n'avait eu d'autres conséquences qu'un œil poché pour l'un des garçons et des côtes douloureuses pour l'autre. Il n'y avait rien de sérieux à reprocher aux différents protagonistes. Malheureusement, pour Salim et Bjørn, l'inspecteur Franchina était de service ce soir-là. En passant au commissariat, il avait immédiatement reconnu le garçon disparu depuis le début de l'été. L'affaire avait eu un grand retentissement et les supérieurs du policier avaient été très critiques sur sa manière de la gérer. 2 adolescents kidnappés qui se libèrent tout seuls avant de disparaître à nouveau. Cela faisait très mauvais effet. En découvrant Salim assis sur un banc dans la salle de garde, l'inspecteur Franchina avait cru rêver. Il avait toutefois vite réagi et Bjørn, immédiatement placé en garde à vue, avait endossé le rôle de principal suspect dans un enlèvement. « Vous mentez !» cria le policier en assénant un violent coup de poing sur la table. « Qui êtes-vous ? Qu'avez-vous fait de Camille du ciel ?» Bjørn ferma les yeux un instant. Quand il les rouvrit, il était clair qu'il avait décidé de se taire. Stoïque, il croisa les bras et fixa une mouche qui se promenait sur une pile de dossiers. L'inspecteur Franchina se leva en soupirant. « Comme vous voulez, » jeta-t-il. « Mais ne croyez pas que votre mutisme m'empêchera de découvrir la vérité. Je suis loin d'en avoir fini avec vous. » Le policier s'approcha de la porte qu'il entr'ouvrit. « Faites venir le jeune Kondo !» lança-t-il. Salim ne tarda pas à apparaître, et Bjørn lui adressa un regard plein d'espoir. « Salim !» commença l'inspecteur. « Pourrais-tu répéter devant monsieur ce que tu m'as confié tout à l'heure ?»« C'est que... n'aie pas peur, mon garçon !» l'encouragea le policier. « Tu ne risques plus rien, je te le certifie !» Salim prit une grande inspiration et, ignorant Bjørn, commença à parler. « C'est lui qui nous a enlevés, Camille et moi !»